Tunalamukia kila umoja wenu mangaribi ya leo mjini Yesu Kristo. Dieu a été miséricordieux envers nous. Mungu alikuwa warema kwetu. Il nous a accordé la santé et le souffle de vie. Alitukaburia afya na pumuzi ya buzima. Parce qu'il comprend que nous sommes encore imparfaits. Juu anaelewa kusema ukingali bado hatuyaeneana. Il nous donne encore une occasion pour nous préparer. Anatupa tena ingine bahati juu tupate kujitayarisha. Pourquoi ce soir? Njoko amane imangaribi. Soyez encore une fois de plus béni de l'Éternel. Mubarikiwe tena mara ingine na wamilele. Levons-nous pour la lecture de la parole. Tushimame juu ya usomi ya neno ya Mungu. Nous ouvrons nos Bibles dans Jérémie au chapitre 2. Tuko nafungula ma Biblia yetu mure Yeremia sura ya pili. Dans son verset 4 et 5. Mustari ya ine na ya tano. Et nous prendrons Jérémie chapitre 7. Tutabeba tena Yeremia sura ya saba. Dans son verset 12. Mustari yake ya kumi na mbili. Seigneur, merci. Bwana asante. Tu es notre Père. Uko baba yetu. Et c'est toi seul qui gères nos esprits. Na ni wewe pekee unaongoza maro yetu. Tu conduis nos pas. Unaongoza matua yetu. Et tu nous révèles tes voies. Na unatufunulia manjia yako. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Munjina ya Bwana Yesu Kristo. Descends encore une fois de plus. Shuka tena mara ingine. Donne-nous des instructions pour notre départ. Utukaburie mafundisho juu ya kwenda kwetu. Nous croyons que nous ne sommes pas ici pour former une dénomination. Tunaamini kusema tuna hapa juu ya kutunga zehebu. Mais nous sommes ici pour nous préparer. Lakini tuko hapa juu ya kujitayarisha. Parce que bientôt tu viendras nous chercher. Juu hapa sasa utakuja kututafuta. Sanctifie nos âmes. Takasa manasi yetu. Sanctifie nos esprits. Takasa maro yetu. Sanctifie nos corps. Takasa mili yetu. Que tout notre être entier mili yetu yote mumutu wetu soit sanctifié pour ton œuvre. Ipate kutakasiwa juu ya kazi yako. Bénis chaque frère et chaque sœur. Bariki kila ndugu na kila dada. Au nom de Jésus-Christ. Munjina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. L'ancien José a fait un déplacement jusqu'à Lubumbashi. Mzee José alisafiri kwenda Lubumbashi. Il revient, si cela est possible, jeudi. Atarudia kama ikiwezekana siku ya ine. Ils sont partis ensemble avec le diacre Gignas. Balienda pamoja na shemasi Gignas. Vous vous souviendrez d'eux dans vos prières. Mutabakumbuka maombi yenu. Jérémie au chapitre 2. Yeremia sura ya pili. Verset 4, nous lisons. Mstari aine tuko nasoma. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob. Musikilize neno ya wamilele nyumba ya Yakobo. Et vous toute famille de la maison d'Israël. Na mwe bote majama ya nyumba ya Israël. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi? Hivi Bwana anasema uovu kani ile baba yenu walikuta ndani yangu juu apate kwenda mbali na mie. Et pour aller après des choses de néant et n'être que même que néant. Juu ya kwenda kubitu bya ovyo na bo benye bakuye batu ba ovyo. Dans Jérémie au chapitre 7 verset 10 et verset 12. Yeremia sura ya 7 mstari ya 12. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo. Endeni basi kufashi kule ili nitolewa kusilo. Où j'avais fait autrefois résider mon nom. Kule niliwekaka zamani njina yangu. Et voyez comment je l'ai traité. Na mwone vile nilibatendea. Comment je l'ai traité. Namna nilibatendea. À cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Juu ya romu baya ya taifa yangu ya Israël. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana ongeze mabaraka kusoma neno lake. Nous avons suspendu l'enseignement qu'on avait. Tulishimamishaka mafundisho tulikuwa nayo. Comme j'avais un voyage à effectuer. Vile nilikuwa na safari ya kusafiri. Mais avant mon départ, le Saint-Esprit avait beaucoup insisté sur une seule pensée. Lakini mbele ya kwenda kwangu Roho Mtakatifu iliweka mkazo kwa wazo moja. Que c'est souvent lorsque les gens prospèrent. Kusema ni mara mingi wakati bantu wanaendelea. Quand quelqu'un a beaucoup d'argent, wakati mtu anakuwa na mali mingi. Quand quelqu'un a beaucoup de biens, wakati mtu anakuwa na bintu bya mingi. Il commence à se sentir qu'il se suffit. Ananza kusikia sa anaeneana. Et qui n'a plus besoin de quelqu'un d'autre. Na asitaji mtu mwingine. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens abandonnent Dieu et abandonnent sa parole. Ndio mwile wakati watu wa mingi wanachaka Mungu na kuacha neno yake. Nous avons montré que cela ne se limite pas uniquement aux hommes. Tulisema ile aina mambo iko naangalia paka banaume. Cela s'applique également à l'église, à un peuple, à une famille ou à une nation. Ile ni mambo inekalaka mkufika hata ku kanisa, ku taifa moja, ku jamaa moja au ku taifa moja. Quand une église se sent en sécurité, wakati kanisa inajuajia kuya mukingo, parce qu'elle prospère, juu inaendelea, elle a beaucoup de membres, inakuwa na bamemba bamingi, l'argent commence à fluer, mali inaanza kuongezeka, les gens importants selon ce monde commencent à adhérer dans l'église, bantu bakabaila kufuatana na ulimwengu banaanza kuingia mwili kanisa. C'est en ce moment-là, si l'église ne veille pas, si le conducteur ne veille pas, cette église-là tombera entre les mains du diable. Ni mwile wakati kama kanisa aikeshe itanguka mikono ya shetani. C'est ainsi que même nous-mêmes aujourd'hui, atashi leo, nous ne pouvons pas nous dérober de cette règle. Atuweze kuponyoka mu ile kanuni. Nous devons veiller sur notre église. Tunapasha ukesha yule ya kanisa yetu. Pour ne pas tomber dans l'apostasie. Juu tusianguke mkuacha kwa imani. Quand l'église grandit en nombre, wakati kanisa bantu wanakuwa ba mingi, souvent il y a un laissé aller qui entre. Mara mingi kunekala kwa chiria kwa bintu kunaanza kuingia. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas pour le salut. Kunakuwa bantu mingi wanaanza kuya bakuye wokovu. Et ces gens qui ne viennent pas pour le salut ont d'autres objectifs. Na bala ba ikuye wokovu beko na bifukuzio vingine. Et ce sont ces gens qui attirent le péché dans l'église. Na ni bale bantu banaletaka nzambi ndani ya kanisa. Et vous remarquez à un certain moment, na mutaona mwakati moya hivi, comme c'est une masse, une grande masse de gens, des inconvertis qui entrent. Savile kikundi kinene kia bantu washipo ugioka wanaingia. Et cette masse étouffera le petit nombre de croyants qui craignaient le Seigneur. Na ile kikundi kinene kita songa bale bakiloko benye kuamini Bwana. Et vous verrez seulement de fausses choses entrer dans l'église. Na mutaona bitu bya bongo binaanza kuingia mkanisa. Vous verrez la légèreté entrer dans l'église. Mutaona kuachilia kwa bintu kunaingia mkanisa. Et vous remarquerez que la crainte de Dieu sera ôté de l'église. Na mutaona kusema boka wa Mungu utatoshwa mkanisa. Et nous devons beaucoup veiller à l'aube du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Na tunapasha kukesha sana mukaribu ya kurudia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana anibariki. Est-ce que l'église est avec moi? Eti kanisa kuna mimi pamoja. Nous avons pris l'exemple d'Israël. Tulibeba mfano ya Israël. Pour vous faire comprendre cela. Juu ya mupate kushikia ile. Israël, un peuple élu par Dieu lui-même. Israël, taifa yenye kuchakuliwa na Mungu mwenyewe. Ce peuple qui était protégé par Dieu lui-même, taifa ilianza kukingwa na Mungu mwenyewe, et qui les défendait contre toutes les attaques de toutes les nations qui venaient contre elle. Na Mungu alianza kubakombania kubukomvi bote wa mataifa ilikuwa nakuya kwabo. Dieu lui-même s'est révélé visiblement devant ce peuple. Mungu mwenyewe alianza kufunuliwa wazi kwa ile taifa. Israël écoutait la propre voix de Dieu. Israël alianza kusikia sauti ya Mungu mwenyewe. Mais quand il venait de l'Égypte, lakini wakati walitoka ku Misri, Dieu a été avec eux dans le désert. Mungu alikuwa pamoja nabo mujangwa. Ils ont vu toutes les grandes choses de l'Éternel. Baliona vitu vyote binene vya wa milele. Mais lorsque Dieu donna du repos à Israël, sasa wakati Mungu aliwakaburia Israël mapumziko, et que la bénédiction était devenue très grande, na wakati baraka ilikuwa inakuwa mkubwa, Israël mangeait, buvait, réjouissait, kunywa na kufurahi. Israël trouva l'occasion d'abandonner Dieu. Israël akaona sasa wakati ya kuachilia Mungu. Nous ne faisons pas cela. Si hatuwezi kufanya vile. Si ces choses ont été écrites dans la Bible, kama hivi vitu viliandikiwa mu Biblia, c'est pour nous servir d'exemple. Ni juu tupate kufundia hako. Parce que Dieu ne veut pas que nous aussi nous tombions dans les mêmes erreurs qu'Israël. Juu Mungu asipende na sisi tuanguke mkosa moya moya na Israël. Pourquoi j'insiste sur ces choses avant que je ne parle de 70 semaines de Daniel? Jani nini niko nawekea mkazo pa hivi vitu mbele ya mimi kusemea juu ya majuma 70 ya Daniel. J'aime vous montrer l'origine de la colère de Dieu. Niko napenda kumionyesha kumwanzo ya kasirani ya Mungu. Je vais vous montrer pourquoi Dieu s'était irrité contre ce peuple jusqu'à les disperser dans le monde. Napenda kumionyesha juu ya nini Mungu alishirikiaka taifa yake na kubazambarisha mulimwengu mzima. Le péché n'est pas une bonne chose. Dhambi haina kitu kizuri. À cause du péché d'Israël, Dieu en Zambie à Israël, l'Éternel était obligé d'abandonner Silo. Wa milele alizalazimishwa kuachilia Silo. Lorsque vous prenez Josué, wakati mnabeba Yoshua, au chapitre 18, suivez-moi très bien. Yoshua sura yake 18. Lorsque les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte, wakati batoto Israël batoka mu Misri, juste à l'entrée de la terre promise, pale mkufikia mkuingia mu inchi ile Mungu alibalakia, avant qu'Israël ne se partage tous les territoires que Dieu leur avait donné, mbele Israël bapate ukabulana majimbo yote Mungu alibakaburiaka, toute l'assemblée des enfants d'Israël s'était arrêté à Silo. Taifa yote ya batoto ba Israël barishiba miaka pale pa Silo. Et là à Silo, ils dressèrent une tente d'assignation, un tabernacle. Na kule ku Silo bakafanya ema ya mkusaniko. Et Dieu avait soumis tout le territoire à Israël. Na Mungu alitishaka majimbo yote kule ku Israël. Et Silo était un endroit sacré. Na Silo ilikuwa ni fashi moya takatifu. Là où tout enfant d'Israël, lorsqu'il avait un problème, une situation compliquée, il allait à Silo pour adorer Dieu et pour chercher la faveur de l'Éternel. Ni kule wakati mtoto wote wa Israel alikuwa na magumu au mambo fulani alianza kwenda kule kusilo juu ya kutafuta msaada wa milele. C'est là où Dieu descendait et parlait à son peuple. Ni kule Mungu alianza kushuka na kusema na taifa yake. C'était un endroit très important. Ilikuwa ni fashi moya ya damani sana. Avant qu'Israël ne s'établisse à Jérusalem, mbele ya Israël kuikala ku Yerusalem, et que le nom de l'Éternel réside à Jérusalem, na njina wa milele pate kuikala ku Yerusalem, Silo était un endroit très saint. Ile Silo ilikuwa ni fashi moya takatifu sana. Et Dieu était là. Na Mungu alikuwa kule. Il y avait ses serviteurs. Il y avait ses prophètes qui servaient l'Éternel et qui servaient le peuple de Dieu. Dans Josué au chapitre 18, dans le verset 1, l'Écriture dit: toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo. Et ils placèrent la tente d'assignation. Et le peuple était soumis devant eux. Il restait cette tribu des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur partage. Josué dit aux enfants d'Israël: jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Donc ici Israël n'avait pas encore pris possession de tout son territoire que Dieu lui avait donné. Et Silo se situe dans le territoire d'Ephraïm. Et elle était construite sur une colline. C'était presque à une dizaine de kilomètres de Bethel. Mais Israël s'était arrêté là pour comme un lieu qu'il avait fait comme une base pour conquérir le territoire. Israël a chimamaka pale na kufanya fashi moya ilikuwa sa vile paye kuikaria juu apate kukamata ile mainchi. Étant resté longtemps là, wakati walikawia pale, il y a eu des espions qui avaient été envoyés dans tous les territoires. Trois de chaque tribu. Batatu mukila kabila. Et après ces espions, ils avaient conquis le territoire. Nakisha bale bapelelezi barikamata ile mamikini. Et chaque tribu, nakila kabila, était maintenant avait complètement occupé son territoire. Nakila kabila ilipata jimbo yayo. Et depuis longtemps, Israël servait calmement le Seigneur. Il n'y avait pas un problème. Il marchait dans les voies de Dieu. Il obéissait au commandement de l'Éternel. Et Dieu bénissait Israël. Israël était obéissant, il n'y avait pas un problème. Israël alanza kutia kukukwe mambo. Mais lorsque Israël s'est senti en sécurité, sasa wakati Israël aliona kusema nakuwa mukingo, c'est à ce moment-là qu'elle laissait aller entre parmi ses peuples. Ni mwile wakati kuachiria kwa bintu kuringia katikati ya taifa. Et il ne considérait plus la parole de Dieu dans leur vie. Il ne veillait plus sur la parole de Dieu. Il ne veillait plus sur Dieu. Et comme il ne veillait plus sur Dieu, le péché commençait à s'infiltrer en Israël. Jusqu'au point où le péché avait complètement envahi tout Israël. Kufikia paka pale nzambi ilibamba Israël yote. Bien-aimés frères et sœurs, mapendwa ndugu na dada, quand Satan vient se glisser parmi le peuple de Dieu, wakati shetani anajitumbukiza katikati ya taifa ya Mungu, il ne vient pas avec des trompettes. Ashiku yake na maparapanda. Non. Apana. C'est pour voyez l'écriture utilise le terme se glisser ou la séduction. Njo pale andiko iko na beba msemeo kujitumbukiza au utongozi. C'est un peuple qui abandonne Dieu, qui abandonne ses commandements. Nitaifa iliacha Mungu na maamri yake. Mais qui entre-temps croit qu'il est toujours avec Dieu et il obéit toujours au commandement de l'Éternel. Quel contraste! Il est pas comme un cas de moyen parce qu'on a mis ni que c'est ma Mungu na mukutine no ya Mungu. Quand quelqu'un abandonne Dieu, kati mtu anatiri ya Mungu, dans les comptes de Satan ou de démons, mu ya shetani na na démona, il ne se rend pas compte qu'il est en train d'abandonner Dieu. Ashiwake kusema eko naenda kuachilia Mungu. Il croit toujours qu'il est correct avec Dieu. Anekalamu kuamini kila mara kusema eko sawa na Mungu. Et qu'il est avec sa parole. Na kusema eko na neno. C'est comme ça que ça se passe dans toutes les séductions. Njomu vile binapitikanaka mu utongozi yote. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Satan ne vient pas avec des cornes. Juu shetani ashiku yake na masengo. Il ne vient pas avec des trompettes. Ashiku yake na maparapanda. Il utilise, il lève souvent des gens. Analamushaka mara mingi bantu. Qui sont faux dans leur cœur, les instruments de Satan, ya shetani, qui inspirent de fausses pensées, mais qui semblent un peu être plus proches de la parole. Bale karibu sana na neno. Et quand Satan veut séduire une église, un homme ou un peuple, na wakati shetani anapenda kutongoza kanisa mtu au taifa, il va commencer par utiliser les hommes de Dieu. Des gens de confiance, vous les verrez lorsque nous allons parler de Jérémie. C'est ce que Satan fait. Et le péché Nanzambi est entré petit à petit, jusqu'au point où Israël s'est retrouvé en plein milieu du péché. Au point où Israël avait complètement abandonné l'Éternel. Et Israël servait maintenant Baal. Na Israël a commencé à utumikia Baal. Et Dieu, en voyant cela, na Mungu mukona ile, il avait résolu d'abandonner Silo. Alibeba mipango ya kuacha Silo. Là où il y avait le culte de l'Éternel. Et lorsque Dieu abandonna Silo à cause du péché d'Israël, le culte n'a jamais été restauré en ces lieux-là. Le peuple est allé et s'est éloigné davantage de l'Éternel. Taifa iliendelea kwenda mbali na wa milele. Lorsque vous prenez Psaume 78, wakati mnabeba, l'église est avec moi. Mazaburi makumi saba na mnane. Psaume 78. Zaburi makumi saba na mnane. Dans son verset 55. Mustari yake ya makumi tano na tano. Jusque dans le verset 65. Kufikia paka mustari ya makumi sita na tano. La Bible dit. Biblia nasema. Il c'est Dieu. Oyo il ni Mungu. Dont on parle c'est Dieu. Ni Mungu. Il chassa devant eux les nations. Akafukusha kumbele yake mataifa. Leur distribua les pays en héritage. Mukubakaburia inchi sawa uriti. Fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Na kaikala mu ema yayo makabila Israël. Mais ils tentaient les dieux très haut et se révoltèrent contre lui. Lakini bakamujaribu Mungu wa juu na bakamutombokea. Regardez les critiques que nous lisons ici. Angalia andiko tunasoma hapa. Israël est l'élu de Dieu. Israël est c'est un peuple de Dieu. Ce sont les enfants de l'Éternel. C'est Dieu qui leur avait donné cette nation. Ce territoire. Mais dans ce territoire, il y avait d'autres nations. Dieu avait pris soin de chasser toutes les nations qui habitaient ce territoire pour qu'Israël ait ce pays. Ya kufukusha bale bantu bote walikuwa mwile majimbo juu Israël abebe ile majimbo. Et Dieu avait pris la résolution de distribuer à chaque tribu une portion d'héritage. Na Na Mungu akabeba mipango akaburia kila kabila sehemu ya urithi. Et c'est Dieu na ni Mungu qui avait fait habiter en paix chaque tribu dans sa tente. Na ni Mungu alifanya kila kabila ikale msalama mwema yake. Vous voyez? Unaona? Mais lorsqu'il s'établit, sasa wakati barikala dans ce pays de la promesse, mwile inchi ya malako, mais Israël tentèrent Dieu. Sasa Israël akajaribu Mungu. Ils se révoltèrent. Baka mutombokea. Le peuple se révoltèrent. Taifa kamutombokea. Et ils n'observèrent point ses ordonnances. Na bakwanza tena kuti maagizo yake. Vous voyez ici. Mnaona hapa. Il y a une très grande leçon, mais je n'ai pas le temps de m'y attarder. Kuko mafundisho munene lakini sina wakati ya kushibamia hapa. Vous savez pourquoi les gens arrivent à se révolter contre Dieu et à ne pas observer ses commandements? Mnajuaga ni juu nini watu wanafikiaka mkutombokea Mungu na kukosa kutii maagizo yake? C'est l'habitude. Ni tabia mazoezo? Non, c'est l'habitude. Les gens s'habituent. Ni watu wanazobeleaka. C'est lorsque les gens s'habituent. Wakati watu wanazobelea kwa Mungu. Et aux œuvres de Dieu. Na kukazi ya Mungu. Et aux serviteurs de Dieu. Na kubatumishi ya Mungu. Et même à sa parole, hata kuneno yake, que tout devient ordinaire pour eux, biote binakuwa tu sawa, ils ne voient plus de spécial en Dieu, abaone tena kia kipit, kia ils ne voient plus de spécial dans ses serviteurs, abaone tena kia kabaila mbatumishi, ils ne voient rien de spécial dans sa parole, abaone tena kia kabaila muneno yake, que les gens s'éloignent de Dieu. Ni mwile wakati batu wanaendaka mbali na Mungu. Mais ils tentèrent le Dieu très haut et se révoltèrent contre lui. Lakini barijaribu Mungu wa juu na wakamtombokea. Et ils n'observèrent point ses ordonnances. Na bakuti tena maagizo yake. Ils s'éloignèrent et furent infidèles comme leur père. Bakenda mbali na bakuwa bakutokuamini sababu baba yabo. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Bakageuka sa vile bupinde bwenye kulanda. Ils irritèrent par les hauts lieux. Baka shirikisha Mungu. Fashi takatifu. Non. Par leur haut lieu. Ile mafasha kwa budu masanamu. Par leur haut lieu. Mazabao ya kwa budu masanamu. Baka mushirikisha, baka shirikisha wa milele kupitia ile mazabao ya kwa budu masanamu bariwezi kujenga. Et ils excitaient sa jalousie par leur idole. Na bakalamusha buivu ya Mungu kupitia masanamu yabo. Dieu entendu et il fut irrité. Mungu akashikia na il repoussa fortement Israël. Akasukuma mbali Israël. Il abandonna la demeure de Silo. Akacha makao ya Silo. La tente où il habitait parmi les hommes. Ema mule alianza kuikala katikati ya bantu. Vous voyez? Unaona? C'est à Silo où l'Éternel a habité premièrement avant d'aller à Jérusalem. Nikusilo kule Mungu alikalaka kwanza mbele kwenda ku Jerusalem. C'est là où une tente, un tabernacle était construit au nom de l'Éternel où le peuple venait adorer et recevoir les solutions à leurs problèmes. Kule ema au maskani ilijengwaka juu ya wamilele kule bantu baranza kuya kuabudu juu ya kupata majibu yao. Mais lorsque Israël irrita l'Éternel, alishirikisha wamilele, Dieu avait pris la résolution d'abandonner sa demeure Silo, ya kuacha makao yake Silo, et de livrer Silo entre les mains des ennemis. Na kutoa Silo mu mikono ya baadui. Il livra sa gloire à l'activité à la captivité. Akatoa utukufu yake kubutumwa. Parce que c'est Israël qui faisait la gloire de Dieu. Dieu ni Israël kwa nafanya utukufu ya Mungu. Et c'est l'ange de l'Éternel qui faisait la gloire d'Israël. Na ni sanduku ya milele ilikuwa nafanya utukufu ya Israël. Lorsque Dieu s'était fâché contre Israël, wakati Mungu alishirikia Israël, peut-être j'aurai le temps de le lire. Et vous le verrez. Soma mtaona. Lorsqu'il y a eu une bataille entre les Philistins et Israël, wakati ulikuwa bukomvi katikati ya Wafilisti na Israël, dans la colère de l'Éternel, mukasirani wa milele, Après qu'Israël soit battu par les Philistins, kisha Israël kupikwa na Filistina, ils sont rentrés pour chercher l'arche de l'Éternel qui est Dieu lui-même au milieu de son peuple. Afin que l'Éternel combatte les Philistins. Juu Mungu apate kupambana na Filistina. Avec l'arche de l'Éternel, pamoja na sanduku ya milele, Israël fut encore battu par les Philistins. Israël va kumpika tena kupitia ba Filistina. Et même l'arche de l'Éternel fut emporté chez les Philistins. Ata sanduku yenyewe milele bakaibeba kwa Filistini kufezeleshwa kani kule. L'église est avec moi. Kanisa iko pamoja nami. C'est pourquoi il dit ici. Njoka bana nasema hapa. Il livra sa gloire à la à la captivité. Akatoa utukufu yake kubutumwa. Et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Na utukufu yake kumikono ya adui. Il mit son peuple à la merci du glaive. Akatoa taifa yake kumikono ya magonjwa. Et il s'indigna contre son héritage. Na ashikona faida ya urithi yake. Le feu dévora ces jeunes hommes. Moto kateketeza babiana bake. Et ces vierges ne furent pas célébrées. Na babikira abakutukuzwa. Ces sacrificateurs tombèrent par l'épée. Bakuani bakanguka kupitia mupanga. Et ces veuves ne pleurèrent pas. Na bayani abakuanza kuria. Le Seigneur se réveilla contre celui qui a dormi. Wamilele akalamuka kumbele ya ule. Comme un héros qu'a subjugé le vin. Sawa mshuja ule ana chamusha vinyo. Vous voyez comment Dieu parle ici. Munaona vile Mungu yuko anasema hapa. Dieu aimait Israël. Mungu alipendaka Israël. Dieu était là pour sa protection et sa bénédiction. Mungu alikuwa pale juu ya ukingo yayo na baraka yayo. Israël n'a jamais compris. Lakini Israël asikuelewaka. Je vous dis frère, sœur. Namwambia nduku na dada. Ce qui fait la force de l'église. Kile kinafanyaka nguvu ya kanisa. Ce qui fait la force d'un croyant. Ni kufanyaka nguvu ya mwaminifu. C'est Dieu en son sein. Ni Mungu katikati yake. Quand Dieu est dans l'église. Wakati Mungu yuko mkanisa. L'église est forte. Ile kanisa iko na nguvu. L'église est fortifiée de toutes parts. Kanisa inawekwa nguvu fasi. Et l'ennemi ne peut rien faire. Na adui asiwezi kufanya kitu. Quand Dieu habite le cœur de quelqu'un. Wakati Mungu anekala moyo. Cet homme-là est en sécurité. Il est béni. Et Satan ne peut rien lui faire. Mais lorsque vous abandonnez Dieu, vous abandonnez sa parole, vous empruntez la voie de la rébellion et du péché, c'est fini pour vous. Vous désarmez vous-même. C'est vrai, frère. Et après cela, na kisha ile, le tabernacle était à Gabaon. Maskani ilikuya ku Gabaon. Et l'arche de l'Éternel était maintenant placée à Jérusalem. Na sanduku ya wa milele bariweka sasa ku Jerusalem. Après que Dieu ait quitté Silo, là où il demeurait, kisha Mungu kutoka ku Silo kule aranza kuikala. Après que l'Éternel ait abandonné son lieu de résidence où il bénissait son peuple, le véritable culte de l'Éternel n'a jamais été restauré à Silo. Non. Aliweka sasa maskani yake ku Gabaon. Et il avait placé maintenant l'arche à Jérusalem. Na akaweka sanduku kule ku Yerusalema. Bien-aimés frères et sœurs. Pendwa ndugu na dada. Il y a ici une très grande leçon. Hapa pe kumafundisho moyo mkubwa. Quand vous êtes avec Dieu, wakati kuna Mungu, faites tout ce qui est à votre pouvoir pour demeurer définitivement avec Dieu jusqu'à la fin de votre vie. Fanya yote yenye kuwa munguvu yako juu upate kubakia na Mungu paka mwisho wa maisha yako. Lorsque vous avez la parole. Wakati kuna neno. Faites tout ce qui est à votre pouvoir. Fanya yote yenye kuwa munguvu yako. Pour garder cette parole. Ya kuchungele neno. Jusqu'à la fin de votre vie. Fikia paka mwisho wa maisha yako. Si vous faites une erreur. Kama unafanya nkosa. De lâcher Dieu. Ya kuachiria Mungu. Vous voyez? Unaona? De lâcher la parole. Ya kuachiria neno. Dieu vous abandonne. Mungu anakuacha. Dieu abandonne votre foyer. Mungu anacha jamaa yako. Dieu abandonne l'église. Anacha kanisa. Il est difficile. Bitakuya nguvu. Que Dieu vous revienne encore. Mungu apate kumirudia tena. Il est toujours même vu des frères. Nisha kona kata banduko hapa. Quand Dieu vous ouvre une porte de bénédiction. Wakati Mungu anakufungulia mulango moya baraka. C'est ça le moment favorable. Ndio wakati ya kufaa. De s'attacher à Dieu. Ya kujambatanisha na Mungu. De marcher dans la crainte de Dieu. Tembea mboka kwa Mungu. De d'utiliser ce que Dieu, la bénédiction de Dieu correctement. Kutumikisha ile baraka ya Mungu mzuri. Pour que cette bénédiction demeure. Juu ile baraka idumu. Si vous commencez d'autres voies. Kama unaanza manjia ingine. Vous abandonnez Dieu. Unaacha Mungu. Et que la bénédiction de Dieu vous quitte. Na baraka ya Mungu inakuacha. Frère. Nduku. Ma sœur. Dada yangu. Elle ne reviendra pas encore à vous. Haitarudia tena kwako. Parce que ne pensez jamais. Mushiwaziake kamwe. Ne croyez jamais. Mushiamini kamwe. Que vous êtes la seule pierre sur la plage. Kusema uko ribwe tu moya kule kumutoni. Ne pensez pas que Dieu a seulement toi. Mushiwazia usema Mungu yuko paka na wewe. Et il va seulement s'occuper de vos problèmes. Non. Mataanza paka kuangalia mambo yako hapana. Le moment où Dieu est avec toi. Il s'occupe de vos problèmes. Profitez pour garder cette bénédiction de Dieu avec toi. Mais lorsque vous venez de lâcher la parole, vous abandonnez Dieu et que Dieu vous quitte avec sa bénédiction, la bénédiction de Dieu ne retournera pas encore vers vous. Cette bénédiction là ira vers quelqu'un d'autre. L'église de Cambo est avec moi. Nisa kambovi kwa pamoja na mie. Dieu vous fait une grâce. Mungu anakufanyia neema. Il vous bénit. Anakubariki. Vous avez l'argent. Uko na fedha. Vous commencez à utiliser l'argent chez les prostituées. Unaanza kutumia ile makuta ubandumba. Dans les fausses choses. Vitu vya bovyo. Ne pensez pas que tu es l'unique homme. Ushiwazie kusema uko paka pekee. Sur qui Dieu compte. Mule ambao Mungu yuko natumainia hapa. Unya que toi. Au ni paka wewe tu. Tu béni pas les autres. Ule unapaswa bakiri. Dieu prendra ta bénédiction. Mungu atabeba baraka yako. Il la placera sur quelqu'un d'autre. Ataiweka kwa mtu mwingine. Il respecte. Ule uko na mheshimia. Ule uko na mheshimia. Il obéit. Na ule uko na mtii. Et vous resterez en pleurs. Na wewe utabakia mkulia. Et vous crierez la bénédiction ne te retournera plus. Na utaria lakini baraka itarudia. L'église est avec moi. Est-ce que vous comprenez? Eti mkonaelewa. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa. C'est pourquoi quand vous avez Dieu, Jokumana wakati na Mungu, faites tout ce qui est à votre pouvoir. Fanya nguvu yako yote. Restez attaché à Dieu. Bakia mwenye kuambatana na Mungu. La sécurité, la bénédiction, ukingo na baraka, vous accompagnera. Itakushindikiza. Regardez Silo. Angalia Silo. Était la cité de Dieu. Irikuya ni muji ya Mungu. Où tout Israël venait adorer Dieu et chercher Dieu. Mule Israël yote ilikuwa nakuya kuabudu Mungu. Mais à cause du péché. Sasa juu ya zambi. Silo fut abandonné. Silo bariachiria. Le véritable culte disparut à Silo. Ibada ya biakweli ilipotea. Et Dieu n'a pas pensé à retourner à Silo. Na Mungu asikuwaza tena kurudia ku Silo. C'est vrai. Ni kweli. Quand vous prenez 2 Samuel au chapitre 6. Kama mnabeba Samuel wa pili sura ya 6 dans son verset 12 à 23. Sura ya 12 au vous verrez comment Dieu maintenant a placé son arche à Jérusalem. Dona namna kani Mungu aliweka sanduku yake ya agano ku Yerusalem. C'est vrai. Ni kweli. Israël avait méprisé la loi de l'Éternel. Israeli alibeulaka sheria wa milele. Le peuple avait élevé des hauts lieux. Taifa iliengaka mazabahu. Pour adorer des faux dieux. Juu wapate kuabudu ba Mungu ba bongo. Quel mépris, frère. Zarau kani nduku. Quelqu'un qui avait un véritable Dieu vivant. Muntu alikuwa na Mungu wa biakweli mwenye kwa hai. Qu'il est protégé, qui le bénissait, visiblement. Et tout le monde disait, Israël a Dieu. Israël est protégé. Israël quand Dieu te protège, quand Dieu te bénit, frère, tout le monde, même les païens, savent que tu es protégé par Dieu et tu es béni par Dieu. Mais votre bénédiction et votre protection créent de la jalousie. Satan n'est pas content. Satan n'est pas d'accord. Satan a de te voir prospérer. Les ennemis de Dieu ne peuvent pas se réjouir de te voir toi être béni, non. Ba bariki wa pana. C'est vrai, frère. Nkweli nduku. C'est vrai, ma soeur. Nkweli dada yangu. Voyez même le mariage que vous avez. Attendo ele konai. Ne pensez pas que tout le monde apprécie ce mariage. Je disais cela hier à une soeur. Quelqu'un peut observer. Il te voit. Anakona. Tu as un mari qui t'aime. Unabwana anakupenda. Un mari qui s'occupe de ta santé, afya yako, il te nourrit, il te kurisha, il te chérit, anakupenda. Mais il y a des jalouses, lakini il y a des jaloux. Batu ba mukao. Satan les inspire et dit, Shetani anabasukuma na kusema, cette femme-ci, ne mérite pas ce mariage. Ashikustahili ndoa. Ne mérite pas d'être dans ce foyer-là. Ashistahiri kuikala mwile jamaa. Et quand un tel homme ou une telle femme na wakati mtu au mwanamke wa ile namna veut te conseiller, anapenda kukushauria, il va te donner un bon conseil. Eti atakupatia shauri mzuri? No. Hapana. Il va te donner un mauvais conseil. Atakupa mashauri mabaya. De telle manière que vous commettez tellement beaucoup de fautes pour que vous soyez répudié, pour qu'il commence à se moquer de vous. C'est pourquoi en tant que chrétien, quand vous recevez un conseil de quelqu'un, vous devez discerner si ce conseil-là qui vous est donné est conforme à la parole de Dieu pour votre paix. Unapasha kutambua kama ile mashauri wanakupatia iko ya kutokea maneno ya Mungu juu ya salama yako. Tous ces gens qui tournent autour de vous pour dire bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé, ce ne sont pas toujours les bien-aimés. Bote bale wana kujungulukia kusema mupendwa, mupendwa, mupendwa, bote abana bapendwa. Quelqu'un peut te donner des conseils pour votre malheur. Mtu mmoja anaweza kupatia mashauri juu ya ole yako. Comme Atali donnait des conseils à son propre fils. Quand quelqu'un vous donne des conseils contraires à la parole de Dieu, c'est un conseil qui vous pousse à vous révolter contre Dieu. Cet homme-là est l'ennemi de ton âme. Ule mtu ni adui wa nafsi yako. Et c'est comme ça que beaucoup de filles, de beaucoup de femmes ont perdu leur mariage. C'est ainsi que beaucoup d'hommes ont perdu leur épouse, quelqu'un te voit, tu as une jolie fille, une jolie femme, qui t'est soumise, qui te sert, mais dans son cœur n'est pas content. Mais si c'était la mienne, ces choses ici existent parmi tous les gens ici. C'est pourquoi vous verrez même dans certains milieux, un monsieur conseille à son ami d'abandonner sa femme. Après le divorce, le même conseiller, il va chercher la même femme de son collègue. Kisha tu kuvunja ndoa paka rafiki moya anaenda kutafuta ule mwanamke wa rafiki yake. C'est pourquoi nous devons être sages. Ne méprisez jamais la parole de Dieu. N'allez pas vers les choses contraires à la parole de Dieu, non. Israël est en paix avec le Seigneur. Regarde l'ivresse de lait. Munaona kulewa majiba. Il mangea, il bu. Barkuria, il devient gras. Banakuwa na mafuta. Au lieu de garder Dieu, de garder les hôtels de l'éternel, de garder la loi de l'éternel, wacha kuchunga sheria wa milele. Mais Israël abandonna l'éternel, lakini Israël akaacha wa milele, pour aller vers les idoles, juu ya kuenda kwa masanamu, et élever des hauts lieux aux idoles. Na kulamusha mafashe ya yulu juu ya masanamu. Quelle bêtise. Ma bumbafu gani. Quelle bêtise. Bouelewele kani. Mais ils ont avancé. Sasa barienda, barienda elea. Salomon est devenu roi. Salomon kakua mfalme. Il alla à Gabaon pour adorer le Seigneur. Akenda kule Gabaoni juu ya kuabudu wa milele. Et d'offrir quelque chose à l'Éternel. Nakutoa bintu fulani kwa milele. Cependant que Salomon était à Gabaon pour sacrifier des offrandes à l'Éternel, ni mwakati mule Salomon alikuwa ku Gabaon et pour adorer Dieu, juu ya kuabudu Mungu, il n'était plus à Shilo, juu ya shikuwa ku Shilo. C'est alors que Dieu apparut à Salomon. Pendant la nuit, dans un songe, je lui dis, demande ce que tu voudras. C'est à cette occasion que Salomon aussi demanda de la sagesse. Quelque chose de plus important. Salomon dit, Seigneur, Salomon akasema Bwana, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, anilipata ako nema kumacho yako, donne-moi de la sagesse, unipe ko hekima, pour juger ce peuple, juu nipate kuamua hii taifa. Donne-moi de la sagesse, unipe hekima, pour garder ce peuple, juu ya kuchunga hii taifa, près de toi, kando kando nawe. Et ça, Dieu a fait grâce, na Mungu alimfanyisha neema. C'est ainsi que Salomon devient roi. Et vous remarquerez que lorsque Salomon est devenu roi, au début de son règne, comme nous l'avons montré dans le message, je vous enverrai Élie le prophète. Salomon ne faisait rien en dehors de la parole de Dieu. Salomon ya sikuwa anafanya kitu nje ya neno ya Mungu. Dans tout ce que Salomon faisait, il voulait accomplir la volonté de Dieu en toutes choses. Mbiote bile Salomon alikuwa anafanya, alikuwa anapenda kutimiza mapenzi ya Mungu mambo yote. C'est vrai, ni kweli. Et Salomon prospéra. Na Salomoni aliendelea. Mais regardez. Sasa angalia. Quand vous prenez Samuel au chapitre 2, prenez ces écritures, allez les lire à la maison. Mukaisome kumulango. Dans 1 Samuel au chapitre 2, Samuel wa kwanza sura ya pili, à partir du verset 12, kuanzia pa mstari wa 12, la Bible nous montre la perversion des fils d'Élie qui travaillaient au temple. Biblia iko natuonesha kuharibika kwa watoto ba Eli bale wanaanza kutumikaka kuekalo. Comment ils méprisaient les offrandes de l'Éternel? Namna walianza kuzarau sadaka ya milele. Et comment il faisait commettre du péché au peuple de Dieu. Na namna baranza kutendesha nzambi taifa ya Mungu. Et à ce moment-là, le jeune Samuel était un enfant qui ne connaissait pas Dieu. Mwile wakati kijana Samuel alikuwa mtoto ule ashikwe na yua Mungu. Eli était déjà un vieillard. Eli alikuwa shakuya mzee. Il était presque aveugle. Alikuwa karibu kipofu. et il demeurait dans le temple. Samuel aussi était dans le temple à côté de l'arche. Samuel n'arrivait pas au écalu quando na sanduku. Et lorsque maintenant Dieu appela Samuel, na wakati sasa Mungu alimuita Samueli, pour lui révéler ce qu'il allait faire sur la famille d'Eli à cause du péché de ses enfants. Wakati Mungu anamfunulia sasa Samueli kila alipasha kufanya kwa jamaa ya Eli juu ya watoto yake ya dhambi. Lorsque vous prenez le chapitre 3, wakati na sura ya 3, on parle de l'appel de Samuel. Anasemea juu ya wito ya Samueli. Lorsque vous prenez 1 Samuel au chapitre 4, Samuel wa kwanza sura ya 4, on montre comment maintenant la parole de l'Éternel que Dieu avait dite à Samuel sur Élie s'était accomplie littéralement. Anaonesha sasa neno ya milele ile Élie alimuonesha Samuel inatimilika. C'est ce que je venais de vous dire, comment Silo a été abandonné par l'Éternel. Je résume cela, vous allez le lire. Il parce que pendant ce temps, wakati, au chapitre 3, la Bible dit, nasema, la parole de l'Éternel milele, était rare à ce temps-là, et les wakati, visions n'étaient pas fréquentes. Na maono, kuyako. Dieu ne se manifestait plus comme autrefois à cause du péché qui était enseigné. Mungu asikuanza tena kuonekana saa zamani juu ya dhambi ilikuyaka pa ile fashi. Et Samuel grandissait. Na Samuel akaanza kukomea. Lorsque vous arrivez au verset 11, wakati mtafika msura ya 11, vous verrez la confirmation du jugement de Dieu sur la maison d'Eli. Mutaona hakikisho ya hukumu ya Mungu kwa nyumba ya Eli. Quand vous prenez les versets 19 à 21, Samuel fut établi prophète. Samuel bakamweka nabi. Et Dieu continuait à apparaître à Silo. Na Mungu akaendelea sasa kuonekana ku Silo. Dieu continuait à se révéler à Samuel. Mungu akaendelea kujifunua kwa Samueli. Parce que la parole de Dieu était maintenant avec Samuel. Juu neno ya Mungu ilikuwa sasa na Samueli. Mais comme Dieu avait résolu de quitter Silo à cause du péché, sasa sa vile Mungu alibeba mipango ya kutoka Silo juu ya dhambi, il eut maintenant, Dieu suscita maintenant de la jalousie des nations qui entouraient Israël. Mungu akalamusha sasa muka au kwa ile mataifa ile anzaka. Et il prit les Philistins pour combattre maintenant Israël. Na kabeba wa Filistini tu wapate kukumbanisha Israël. Il eut la première bataille. Kwa kuya bukomvi wa kwanza, mvita ya kwanza. Et dans cette première bataille, ile mvita ya kwanza, Israël fut battu par les Philistins. Bakaua Israël, bakampika Israël. Et les Philistins tuèrent 4000 hommes parmi le peuple israélite. Na ba Filistini bakawa batu 4000 katikati ya batote ya Israël. Il y eut une très grande confusion en Israël. Bakuya mvuruko munene ku Israël. Se voyant humilié par les Philistins, benye kufezelesha ku ba Israël, bakasema, il se dit les uns aux autres, bakaanza kusema pamoja na wengine, nous avons été battus par l'ennemi parce qu'on n'avait pas l'âme de l'Éternel au milieu de nous. On n'avait pas Dieu au milieu de nous. Maintenant, allez à Silo, cherchez l'âme de l'Éternel, il viendra combattre pour nous afin qu'il nous délivre de cet opprobre que nous délivre. Et ils envoyaient quelques gens qui allèrent chercher l'arche de l'Éternel. Makenda kubeba sanduku ya wamilele. Quand l'arche de l'Éternel arrivait, wakati sanduku ya wamilele ilikuwa dans le camp d'Israël, mukambi ya Israël, Israël poussèrent un grand des grands cris de victoire. Vous les lirez là. Vous les lirez là au chapitre 4. De telle manière que leur cri. Fit trembler la terre. Tellement qu'ils étaient joyeux de voir la terre éternelle. Et ils savaient que maintenant la victoire pour sur les Philistins était gagnée. Mais ils ne savaient pas que Dieu les avait déjà abandonnés à cause du péché. L'Église est avec moi. C'est quelque chose de semblable comme ce qui s'était passé avec Samson. Après que Samson ait révélé ses secrets à Delila, il avait les cheveux coupés, Dieu l'avait déjà abandonné, mais lui pensait toujours qu'il avait l'éternel et il allait s'étirer entre les Philistins comme autrefois. Vous voyez la séduction? Non, c'est ce qui est arrivé avec Israël. Et pour eux, Dieu était dans leur camp. Et pourtant Dieu était fâché contre eux. Et quand les Philistins ont entendu des cris, ils avaient vu la terre bouger, trembler. Ils se sont informés, qu'est-ce qui se passe dans le camp d'Israël? On leur dit, l'arche de l'Éternel est arrivée au camp d'Israël. Comme toutes les nations, et les Philistins savaient que la présence de l'arche de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même au milieu d'Israël, et quand Israël a l'arche de l'Éternel, aucun homme ne peut le vaincre, cette arche est au milieu d'Israël pour notre destruction. Nous serons détruits comme Israël a détruit les nations qui étaient devant lui. Ville Israël a recommandé qu'à Matthieu quoi combien les yake. Ils avaient peur. Shigia boka. Mais regardez Satan. Satan quand il dit comme ça, il est téméraire. Satan est comme ça. Il se dit non. C'est ma panne. Soyons des hommes. De quoi banaume. Si on se laisse faire. Comment on a jachiria. On va nous exterminer. Patatumarina. Comme Israël a exterminé le peuple. Ville Israël a riche Matthieu fringine. Ils se sont fortifiés, ils se sont encouragés. Ils engagèrent une bataille, une deuxième bataille contre Israël. Contre Israël. Frère, Nduku. Il y a eu une désolation terrible dans le camp d'Israël. Israël fut battu à couteau, comment on appelle, à quoi? À plate couture. Israël va nous piquer pas comme à plate couture. Va nous piquer pas comme jusqu'au point où l'arche de l'Éternel a été pris par les Philistins. Quelle honte! Quelle désolation! Et un combattant qui s'était échappé entre les mains des Philistins. Il était couvert de la poussière, de la boue partout. Il est allé au temple pour voir Élie. Il arrive et lui pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tes frères sont en paix? Dans l'Éternel, tout ça. Parce que Élie était inquiet. Le messager lui dit, premièrement, Israël a fui devant l'ennemi. Tes deux fils, Ophni et Phiné, sont tombés, sont tués. Et encore, l'ange de l'Éternel a été pris par les Philistins. Quand Élie entendu wakati Eli que l'âme de l'Éternel avait été pris, il s'écria, il Ikabod. La gloire de l'Éternel est venue en Israël. C'est-à-dire, Israël a été désarmé. Israël a été détruit. Israël a été détruit. Israël a Israël n'a plus de sécurité. Israël a sina tena na ukingo. Frère. Nduku. Ma soeur. Dada yangu. Comme il était un vieillard. Savi alikuwa mzee. Il pesait beaucoup. Alikuya na bujito. Il est tombé de son siège. Alianguka kiti yake, kiti ya mkuani. Et il s'est brisé la nuque. Na akavunjika. Et il mourut. Na akakufa. Frère. Nduku. Avant de terminer. Mbele amikumaliza. S'il y a une chose. Kama kuko kintu. Que cette église de Kambove ne doit pas faire. Kile kanisa Kambove hawezi kufanya. Haipashi kufanya. Ne lâchez jamais la parole de Dieu. Musiachirie kamwe neno ya Mungu. N'abandonnez jamais la parole de Dieu. Musiache kamwe neno ya Mungu. Ce qui peut arriver. Ijapokuwa bila binaweza kufika. Gardez toujours la parole de Dieu. Kila mara neno ya Mungu. Le Seigneur. Bwana. Sera maintenu au milieu de nous. Atabakia katikati yetu. Et Satan sera toujours vaincu. Na shetani atawinwa kila mara. Satan ne nous fera rien. Shetani atafanya kitu. Non mon frère. Bwana ndugu yangu. Non ma sœur. Bwana dada yangu. Écoutez, je termine. Qui a mis la malise? Si il y a une chose que vous devez faire, kama kitu kile mnapaswa kufanya, gardez Dieu. Mchunge Mungu. Dans ton cœur. Roho yako. Gardez Dieu. Chunga Mungu. Dans ton foyer. Mjama yako. Gardez Dieu. Chunga Mungu. Dans cette église. Ni kanisa. Nous serons toujours vainqueurs. Tutakuwa kila mara bashindaji. Ne soyez jamais séduits. Mushikwe kama n'abandonnez jamais Dieu. Musiatire kama Mungu. N'importe que Satan offre. Mubile biote shetani anaweza kumikaburia. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Qui ont compris? Bangapi banashikia. Merci. Asante. Levons-nous pour la prière. Tushimame juu ya maombi. Gardons Dieu, frère. Tuchunge Mungu nduku. Chacun de nous doit comprendre que notre gloire, notre sécurité, notre bénédiction, notre protection, c'est la parole, c'est Dieu. N'acceptons jamais que Satan nous enlève la parole. Shetani apate kunyang'anya neno. Même si elle est dure. Hata kama ni ya nguvu. Gardons ce message que Dieu nous a donné. Mungu alitupatia. Par William Marion Branham. Kupitia William Marion Branham. Pour notre enlèvement. Dieu a kunyakuliwa kwetu. Même si c'est dur. Hata kama bia nguvu. N'acceptons jamais. Musiatirie kamwe. Oppression de la civilisation. Mukusongwa kwa kizungu. Mchunge yenye kwa kwa Mungu. Yenye kwa nguvu. Dieu a salama yetu. Notre bénédiction. Na Dieu a baraka yetu. Et nous verrons l'enlèvement. Na tutaona kunyakuliwa. Prions. Tuombe. Seigneur, merci.